à tes parents, pleureront la mort de leur enfant, et là tu auras enfin compris comme est agréable la vie. Tu serais même prêt à jurer que ça ne recommencerait jamais, mais ça je n'en suis pas si sûr, car la vie est quand même